La communauté internationale admire les exploits immortels du président Kim Il-sung accomplis pour l'édification nationale. L'homepage internet russe, la République populaire démocratique de Corée d'aujourd'hui, l'homepage internet du Comité national nigérien d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme, de l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun et de l'Institut d'amitié culturelle péruvien-coréen ont présenté les écrits à l'éloge des exploits immortels du président Kim Il-sung qui a fondé l'État authentique du peuple. Le président de l'amicale mexicaine pour le souvenir des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il et le président de l'association d'amitié Guinée-Corée ont dit que son excellence Kim Il-sung, qui a édifié la Corée en pays du peuple, est le fondateur de la Corée socialiste et le président éternel de la République populaire démocratique de Corée. Le journal congolais Le Patriote, l'Indien New Delhi Times, le journal du Congo démocratique La Prospérité et le Laotien Batelao ont souligné que le peuple coréen honore son excellence Kim Il-sung comme président éternel de la République parce que ses exploits accomplis pour l'édification nationale sont grandioses.